Jerry's gonna move like that. Ross, Emo. Thank you.

ku cendara no sama dengan jaran nasi bila ulam sas nasi kita ngabuni mena mena semang ini bulan mena karena zengin faye zenge tapa tapa berasi mama mo retirati si mama mo sauna tonai nunga bungulela sauna tonai nunga bungulela he mandia si mora mora nunga bungulela chulu mezzo lavu nunga bungulela he ala viran mena be trengin kai kai ki ala viran mena be trengin kai kai ki sumudara no na gane la kono no goi kudi sumudara no na gane la kono no goi kudi Masumaita bula timbaluza Umban manambali madrafuza Despik timba peluara Tawa porko no nendara Anau ilaiko Anau ilaiko Zauna tonai Manunga bungulela Zauna tonai Manunga bungulela Mangia chumora mora Manunga bungulela Chimulu mecho labu Manunga bungulela Atera zavale Oya Nakinga murmalan Chukurani zavutati Magata ki barabara Mita ya narora Zafrala ima diya ngale Yeah Oya Yeah Oya Atera zavale Oya Atera zavale Oya Nakinga murmalan Chukurani zavutati Magata ki barabara Mita ya narora Zafrala ima diya ngale Nouveauté, nouveauté, nouveauté, nouveauté. Allez, famille. Yeah. sherite yako inuara nazwa na karati mabila bila simikuranga mnae sasa mlanfanga malala kutiako No, karati mabila bila Kakurangwa mna hela kele Sitia kwa nambala helu lava Mapararisa ho dans le démon tour antique, grand showcase avec Stanros les vendredis 10 avril 2021 à partir de 21h à l'aube à l'espace vous la fille de savoir la fin de l'invest. Stanros en soquaise. Paf, 10 000 alias. Organisateur, vous le fidèle d'Oul. Sonorisation, Relésius. Azadim de Tongatik, Omni Espace, vous le fidèle savoir, le fidèle vest. Miarakam Stanros en soquaise. Grand soquaise, Niazon en forme, vous l'avril. 10 000 alias, ma tafet Oulareke. Twizen Baling Bokiaka. Mon vie à ma rotskadiak. Stanros en soquaise. Organisateur, vous le fidèle d'Oul. Yara ka ito kanga mu yara no Thank you. Ah, Niña no sé, papá, cheque. Aló, tu cabello divino, Marisique.

Heko hai, anama hai as. Alefa Music. Sabe, waro, tipo a kamira banku kweye Kipa kipa kamira banku kweye Kiele la mahere Kiele la mahere Kie mitoru nga umbeze Hapa mitoru nga umbeze Kiele la mabozo Kiele la mabozo Hapa mitoru nga yabeze Hapa mitoru nga yabeze Salut, jacket. Stop. Jabi mande alo afuse, afuse, afuse. Brrr, stop. Rekile, rekile, rekile. Stop. Afuse, afuse, afuse. Brrr, stop. Rekile, rekile, rekile. Alefa, pasalik jaket, pasalik jaket, pasalik jaket, stop. Uli jabu mitija pasalik jaket, pasalik jaket, pasalik jaket, stop. Jabi mande alo afuse, afuse, afuse. Brrr, stop. Rekile, rekile, rekile. Stop. Afuse, afuse, afuse. Brrr, stop. Rekile, rekile, rekile. Alefa, pasalik jaket, pasalik jaket, pasalik jaket, stop. Uli jabu mitija pasalik jaket, pasalik jaket, pasalik jaket, stop. Oh, my God. saile manjeke. Zat

manjato Sumenge hito Vous le faites dans la démonon touratique, Grand Showcase, avec Stendros, les vendredis de avril 2021, à partir de 21h à l'aube. À l'espace, vous le faites savoir la fin des vestes. Stendros, en showcase, paf, 10 000 alias. Organisateur, vous le faites dans la sonorisation, Relésius. Azadim de Tongatik, Omni Espace vous la fit savoir, le Fenery Vest, Niarakam Stendros, un Sokez. Grand Sokez, Niazola Forun Voulin Avril, 10 000 gars matafet Olarek, Twizen Baling Bokiak, Mon Via Marot Skadiak. Stendros, un Sokez. Organisateur, vous la fit d'Oudol. Yaraka Itokan Tam, Yaraka Nuadide. Nouveauté sur ta radio. Allez, allez. Nouveauté sur ta radio. Ta radio. Nouveauté, nouveauté, nouveauté. Nouveauté, nouveauté. Allez, famille. Tetano va va lua ya mis con azam Mitchet, Amonti Mangala Bel, Mitchet is a famisira Simazava, Mitchet is a famisira Avava, Mitchet non place Naka, Skoutia non si renifè, Mitchet Fianiza Gava Thomas Kai Chadi Asamba Matiam Zano Aini Istina Gasan Waza Sadnam Satyaza Satyaza Kono Fana Gwada Flu Kalkin Oh, Yeah. Tá de lado. Vaka notsy vakivake Zane de Maleng volagna raha tsy marigny zalao tsony ane Oh, Na kaindesiko ty e nino ha adignanao contrat fagnarana tsika dignanao zany izy contrat fagnarana taminao za za elanao magnangy beto e eto tsika fakahita eto koa tsika fampizaha magnamerta tala betsonaka We'll be right back. pares que son maes se fagaba la pared. Mola sala marosa y no cubo al bobo, ni pares que son maes se fagaba la pared. Yeah! zahay zanao Tito eto amin'ny Alefa Musique tandraisa tsara fa misy vaovao tsara Mampirafe, maemi petra katsi ba migafe. Zazaka salama tuk valera, ano tongang tamiam sa tabela. Antenga tia karaz na ude, mga dinre kano tipu tipu. Oh, sanandro avy ny volagna zao Jiovta dit qui a sanandro avy nanantra zao e Generales montena cua boca licoli Vakian bukan tena cua boca miana tra Sauts di alala Ngia kun soma gitara Hari yang ati nangara Sadim bulan ni fuka sikara Ye mirembu zai sikala Dinga kunegi mangar kafare Hey! Kanegine Sauts nangar kabulan ni Kanegine Kanegine Sauts nangar kabulan bamba Kanegine Nindya ba Kanegine Sauts nangar kabulan ni Sounds like a couple of bamba coins. Sanandro avy nanantra zao e Generales montena cua boca licoli Vakian bukan tena cua boca miana ta Faran rosniana fanzava ndraky ni tong Mizakara ulgila Itandreny miramareny Mivolagna mila tsy aiko Tsy nisy fifankazahoagna amin'olombelo mitovy amin'tena Mamengatra sady marare kara vakivaky mbity sady negny magnaraka fare Hey! Kanegine Zaho tsy nagnaraka volagniny Kanegine Kanegine Zaho tsy nagnaraka volagniny baba Kanegine Zaho tsy nagnaraka volagniny Kanegine Zaho tsy nagnaraka volagniny Kanegine Mangar kafare.